le fan club français des New England Patriots partout, toujours, on est là. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans le podcast du Fan Club français des New England Patriots. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission où on va parler évidemment des Patriots et du match de la semaine. Et Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Pour m'accompagner ce soir, Gigi. Bonsoir Gigi. Bonsoir, on n'est pas content. Et pour nous accompagner également, Cyril. Bonsoir Cyril. Bonsoir, on n'est pas content non plus. Au sommaire de cette émission, alors on va revenir sur les satisfactions quand même de ce match face aux Dolphins et après nous parlerons évidemment des points qui sont en discussion, notamment évidemment le tournant du match, la blessure de Jimmy et l'entrée de Jacoby Brissett. Nous parlerons aussi du mental de cette équipe qui, après avoir mené à la mi-temps avec pas mal d'avance, a complètement lâché, et nous parlerons évidemment des lacunes qui ont été mises en évidence pendant ce match et qui ont tout sauf une surprise, la O-line et les defensive back. Et nous terminerons l'émission par la preview du Thursday Night, le match face aux Texans. Le Fan Club français des New England Patriots épisode 16, c'est parti. C'est le score du match face aux Dolphins. Alors, petit coup d'œil avant de donner la parole à mes invités sur les statistiques de ce match. Au niveau des yards, pour les deux équipes, c'est équivalent 465 pour New England, 459 pour Miami. Du côté des stats individuelles, Jimmy Garoppolo, avant sa blessure, nous sort une carte de 18 sur 27, 234 et 3 TD. Et Jacoby Brissett sort avec un 6 sur 9, 92 yards. De l'autre côté, Ryan Tannehill finit avec 389, un 32 sur 45, 2 TD, 2 interceptions. Au niveau du running game, du côté New England, la garde blonde finit avec 123 yards pour 29 portées. Du côté de Miami, je passe, il a été inexistant. Et au niveau des receveurs, c'est Martellus Bennett qui finit devant au niveau des Patriots à 114. Et du côté de Miami, c'est Landry qui finit avec 137. Alors messieurs, en une phrase, qu'avez-vous pensé de ce match, Cyril? C'était le yin et le yang, je pense qu'on peut dire ça. Donc forcément, une très bonne première mi-temps. Et après, blessure de Jimmy et patatras. Tout se dérègle. Jean-Jacques, ton premier ressenti comme ça sur ce match? Alors ouais, yin-yang, ouais, c'est un bon résumé, c'est-à-dire qu'on a vu le soleil arriver, on s'est dit, mais quel match! Moi, à la fin de la première mi-temps, mais j'étais comme un ouf, hein. Je disais, ça y est, Garoppolo, il veut sa place, et après, voilà, patatrac, comme m'a dit mon ami, et voilà, c'est malheureux, et après, tout s'est écroulé, et on a bricolé. Voilà, le terme, c'est bricolé. Exactement. Alors, on va aborder quand même d'abord le soleil de ce match et le match de Jimmy Garoppolo, qui a fait un match, en tout cas jusqu'à sa blessure, parfait. Ou quasiment parfait. Ça commençait à discuter de savoir à quel niveau il allait être. En tout cas, messieurs, qu'avez-vous pensé de ce match de Jimmy? Jean-Jacques. Franchement, agréablement surpris et content de voir que notre backup titulaire, on va dire maintenant, qu'il montrait des choses impressionnantes. C'est-à-dire qu'il avait pris en main l'attaque et ça roulait. Il a amélioré la OL, je trouve. Je trouve qu'elle a été meilleure sur ce premier quart-temps. Les receveurs, c'était des catchs vraiment magnifiques. Blount a été bon et Bennett a fait son travail parfait. C'est-à-dire que tout roulait. En niveau attaque, tout roulait, même niveau défense, hein, c'est pareil. Mais Jimmy, a vraiment, il est arrivé, il a fait ce qu'il fallait. Et on l'a vu, hein, de toute façon, jusqu'à sa blessure, on peut pas faire mieux que ce qu'il a fait en un quart temps. Comme disait le Prez, je crois que c'était un record depuis 15 ans. Tu n'avais pas été battu dans le premier quart temps. Dans 15 ans, c'est ça. Ouais, 15 ans. Il me semble que c'était 15 ans. Tout mais à fait. Ça se voyait. Si tu faisais 4 quart temps comme ça, as-tu batté les records de NFL? Ah ouais, là, oui, là, il était sur les traces, de toute façon. Ah, là, il était sur les traces. À 3 TD par. Bah, 234 par yards. 234 yards sur une mi-temps. Ouais. T'additionnes, il fait péter les 500 yards. Hein. 564 yards. 172. C'est énorme. Et ouais. Ouais. Et 18-27, c'est les stats à la Brady, quoi. C'est pas loin, quoi. C'est vraiment pas loin. Ça. Et sans compter qu'il n'y a pas eu d'interception. Il y a eu deux, deux fumbles. C'est pas lui. Trois, il y en a eu. Ouais, non, mais lui, quand il y avait Garoppolo, ah oui, c'est. Non, il y en a un, je crois que Garoppolo n'était plus là déjà. Je crois que c'est d'Amendola. Oui, sur les trois, il y en avait deux où Garoppolo était encore sur le terrain. Oui, et c'est sur possible. Les deux, c'est pas de sa faute à lui. Ah bah non, bah non. Il est totalement en repos, bien sûr. Voilà. Mais franchement, si on le regardait tout le match, ça aurait été un carnage pour les Dolphins. Je pense. Bien sûr. Je pense qu'après, bon, sa blessure, on a été pris de court. Voilà. Sur sa blessure, on en reviendra un peu plus tard dans l'émission, où on parlera aussi de l'arrivée de Jacoby Brissett. Mais pour rester dans les satisfactions, Jimmy, il a fallu bien réceptionner ses passes. Et ses passes, notamment, ce qu'on peut performer, oui. C'est Martellus Bennett qui, ouais, qui fait venir, au final, ouais. Qui a joué tous les snaps de ce match. Et il ressort avec une fiche de 5 réceptions et 114 yards, et notamment un touchdown, et notamment des drives magnifique. En puissance. Ah oui, oui, ouais. Grave. Ouais, ouais. Ouais. Bennett, franchement. Bennett a été excellent. Surpris et content aussi. Ouais. Ouais, ouais. Franchement. Ça fait partie des bons points parce que voilà, comme on n'a pas Gronk encore, il fallait combler le manque. Ah oui. Et on voit que Bennett a les dents. Et je pense que quand ils seront réunis les deux ensemble, je pense qu'on va retrouver un duo comme on avait avec. Avec Hernandez. Avec Hernandez, ouais. Je pense qu'on va retrouver un petit duo de ce style-là. Bah, parce qu'il fait très mal. Bah, bien sûr. Mais pour en revenir à Jimmy, je me suis posé la question. Ça devait être au milieu du deuxième quart-temps. Et je me disais. Le gamin, il arrive à nous faire oublier l'absence de Tom. Mais ouais. Complètement. C'est-à-dire que, détendu, le voir au snap, pas de stress. Bon, il a assuré, il a surtout confirmé sa belle prestation de la semaine dernière face aux Cardinals. Il a été excellent. Après, tu parlais de la O-line. Moi, je dirais surtout que ce qui m'a impressionné, c'est qu'il est vraiment très, très mobile dans sa poche. C'est-à-dire que sur l'action, oui, il n'y a pas de O-line, forcément. D'ailleurs, sur l'action où il se blesse, on ne peut pas. Sur l'action où il se blesse, hein, on peut l'imputer à la O-line sur le début du jeu, car il évite deux sacs royalement. Mais c'est un blitz de linebacker. Celui qui le plaque, qui le blesse, là, la O-line n'y est plus pour rien sur le coup. Mais bon. S'il n'avait pas dû se sortir comme il a fait. Voilà, c'est sûr. Ça. Ben, s'il n'avait pas à sortir, il n'y aurait pas eu la blessure. Donc, c'est 50-50. Voilà. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, la blessure, on ne peut pas en vouloir au quarterback. Hein, mais c'est une blessure classique d'un quarterback qui s'est fait chasser par un linebacker ou par un corner et qui prend la grêle. Quoi. Mais, non, sinon, Bennett, là, pareil, je suis tout à fait d'accord sur ce que vous disiez, messieurs. Bennett, il a fait un gros match, espérons un match référence. Après, j'ai trouvé Hogan très intéressant. Alors bon, même si c'était sur des tracés courts, très intéressant. Pour le coup, très impressionnant. Et pour compléter ce que tu dis, il a été avec Edelman celui qui a fait plus de snaps. Ils ont participé à 63 snaps tous les deux. Alors que derrière, c'est Mitchell à 31, Amendola n'en a que 19 et Slater 14. Amendola a été très très très bon. Amendola, sa performance d'hier, en première mi-temps bien sûr, m'a fait penser au match de play-off d'il y a 2 ans. Où est-ce qu'il sortait des matchs venus d'ailleurs. Ben là, j'ai retrouvé Amendola comme on l'avait vu à cette époque-là. Mais en première mi-temps uniquement. Ah oui, parce qu'en oui, deuxième mi-temps, il a joué que... Bien sûr. En deuxième mi-temps, il a fait 3 snaps. Non, mais je parle de première mi-temps, hein. J'ai bien parlé de première mi-temps. Du moment que Jimmy était sur le terrain. On est d'accord. Autre satisfaction de ce match, qui nous sort quand même un gros match, c'est le running back des New England Patriots, la Garrett Blunt. Alors messieurs, enfin, on a eu un vrai running game. Alors certes, conditionné sûrement par la blessure de Jimmy, mais enfin, on a été performant sur le jeu de course. Ouais, ça a été un très très beau match de Blunt. Après, j'ai remarqué que les Dolphins, ils sont bidons quand il y a quelqu'un qui court. Bidon, hein. C'est-à-dire que tout le match, ça a été vraiment une catastrophe chez eux. Ah, la défense de Run, c'est clair que... Ah ouais, c'était une catastrophe. C'est-à-dire on l'a même vu quand Brissett était sur le terrain, il prend une première et 10. C'est vrai qu'ils n'étaient pas bons. Mais il a sorti un match, comme tu disais tout à l'heure, référence. C'est-à-dire que il a fait un beau match. Ouais, très propre, voilà. Mais ce qui m'a vraiment étonné, c'était pas son average, tu vois. 4,2, franchement, on n'a pas l'habitude de voir un truc comme ça sur du... Non, voilà. C'est sûr. Voilà, on est habitué à du 1,4, du... C'est ça, des petites possessions. Voilà, du 2 maximum, mais du 4. C'est ça. Des portées, c'est vrai que c'est plus des portées courtes, quoi. Voilà, c'est ça, c'est plus des portées courtes. Et même, est-ce que quelqu'un a déjà vu Blount sauter? Oh, quelle action! Quelle action il nous a fait! Moi, j'ai un souvenir de l'avoir vu sauter, mais bon, c'était à l'époque où il était aux Steelers encore. Donc, voilà. D'ailleurs, ça m'a rappelé une action, mais sinon, chez nous, jamais. Il avait quoi? Il avait 8 ans de moins? Pas loin, quelque chose comme ça. Voilà, ouais. Non, mais quand je l'ai vu sauter, j'ai dit: ah ouais. Ah là, il fait plaisir quand même. Il fait vachement plaisir. Oui. Après, bon, le TD qu'il met. C'est en seconde période, donc bon, il nous fait vraiment du bien. Ce TD, il le met, et je me suis dit, ça va nous réveiller. Mais en fait, non, ça nous a pas réveillé, mais par contre, ça nous a fait énormément de bien, vu que juste après, on avait un coup de pied à transformer, on l'a pas mis, mais. Alors ça, on ne parle pas. Ouais, sans ce TD, on est au chou. Ah ben, sans t'aider, ce match, je pense qu'on le perd, effectivement. Voilà. C'est-à-dire que, ouais. Non, mais Blount, très bien. Et puis, ouais, son touchdown, en plus, il se le pèle, quoi. C'est pas il va le chercher. Hein. Voilà, c'est pas une 3e. Ouais. C'est pas. Voilà, hein, il va le chercher. Ouais. Il prend une dizaine de yards dessus. Et en plus, une course au centre. Hein, ouais. Il fait une très belle action. Et par contre, ouais, sur les courses, la ligne l'a beaucoup aidé. C'est ça. Rendons quand même aussi à César ce qui lui appartient, c'est que pour une fois, on la critique souvent, mais la O-line, dans le côté run blocking, a été très très performante. Oui, sur le jeu au sol, pour une fois, oui, effectivement. Bon, ça n'a pas été le cas sur les passes, mais bon. Au moins... Après, c'est la poche qui craint, mais voilà. Après, ça, de toute façon. Sur les trous, quand on doit faire des trous, on les fait. On voit la patte de Skarnecka, son retour, c'est un coach qui est axé notamment sur le jeu de course, et ça se voit qu'on a progressé de ce côté-là. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir rééditer ce genre de performance à l'avenir? Ça, on le verra bien par la suite, mais en tout cas, sur le running game. Toutes les équipes. C'est ça. Déjà, la semaine prochaine contre les Texans, j'oublie. À mon avis, on va voir les limites, hein, parce qu'avec leur front seven, attention les oreilles. Hein. Ouais, je pense qu'on va, on va pas aller plus loin que ça, quoi. Mais bon, on verra bien. Justement, Cyril, tu parles du front seven. Jolie transition. Autre satisfaction de ce match, le front seven des New England Patriots. Ouais. Alors, le front seven. Tout à l'heure, je parlais d'un front five. Bon, front five avec un linebacker extérieur sur la ligne, mais c'est surtout les linebackers parce qu'au final. Bon, sur le jeu de course, oui, on a été performant. Sur la pression mise sur le quarterback, je suis un peu moins sûr. Hein. Non, parce qu'au final, on sort avec zéro sac. Donc, côté pression quarterback, on n'a pas été si bon que ça. Et puis même, on a vu en deuxième mi-temps, Tannehill faire une course de plus de 10 yards. Parce que, bon, certes, notre front seven se fait bloquer. Mais à un moment donné, bon, je sais pas, il y a des angles de poursuite, il y a plein de choses, je sais pas. Alors, sur cette course-là, moi, j'ai une petite critique à faire à notre ami linebacker Chung, qui s'est pris un de ses cartons. Non, il n'est pas linebacker, il est corner. Non, c'est corner, pardon. Il est safety, ouais. Chung. Ouais, mais même, s'est pris un de ses cartons sur c'est ce Chung qui le prend. C'est pas notre ami Logan Ryan. Non, non, c'est Chong qui se prend le premier carton. Ah, je croyais que, c'était Ryan. Juste derrière, il s'en prend un deuxième et il se retrouve au sol. Ça ne doit pas arriver. Ah bah non, surtout sur un quarterback. Attends. Sur un quarterback, ça ne doit pas arriver. Tu dois le casser en deux. Ah bah justement, là, juste avant, je vais faire une petite critique que j'ai rarement le cas de faire sur Butler qui hésite à sauter dans les jambes de Tannehill parce qu'il se dit que le linebacker qui était, je sais plus lequel c'était, je ne veux pas dire de bêtises, donc je sais plus qui c'était, il pensait qu'il allait le plaquer. Et plaque aussi, tu t'en fous. Hein. De toute façon, c'est normal, c'est gang tackling. C'est gang tackling. On tacle, c'est ça. Tout seul. Moi, je vous dis de regarder l'action et vous allez rigoler. Sur le front seven, ouais, moi, je l'ai trouvé solide parce que l'essai à la course, hein, on va parler que de la course parce que. Oui, bien sûr, du jeu au sol. Ils ont laissé que deux first down de tout le match à la course. Ouais. Et franchement, il n'y en a pas beaucoup d'équipes qui font ça. Ah non, ça c'est sûr. Après, sur le front 7, est-ce que nous, on a été performants ou est-ce que ce sont les Dolphins qui ont été extrêmement mauvais? Ah bah, leur jeu de course, bon, ça, on pouvait s'y attendre parce que les Dolphins, au niveau du running game de leurs joueurs, il faut savoir, il me semble que c'est jusqu'à peut-être un mois avant la reprise des matchs de pré-saison, ils n'avaient pas de run titulaire. Hein. Ils sont allés chercher Arian Foster parce qu'ils n'avaient plus personne d'autre. Donc, c'est clairement, le jeu de course des Dolphins a été inexistant, a été pitoyable. Même toute leur équipe en première mi-temps, hein, je pense que... C'est facile, regarde. Leur meilleur running, c'est leur QB. Oui, c'est ce que j'ai en train de regarder. Voilà. Et 35 yards. Et 35 yards, voilà. C'est quand même énorme. On leur a donné 70 yards à la course. C'est vrai. Dont 35 du QB. Voilà, c'est quand même, c'est quand même. Mais là, c'est qu'il y a un problème sur les containers de toute façon. Oui, il y a un problème chez eux, mais chez nous, non, mais chez on nous a aussi. Fait le taf. Oui. Ouais, bon après Tannehill, c'est pas non plus un QB qui tape 100 yards de course par match. Hein. Donc voilà, bon, il a surtout pris des yards en deuxième mi-temps. Mais bon, ça, toute l'équipe. Bah, il en a pris 20 sur une action, donc quelque part. Voilà. Sur les 5 autres, il a dû prendre 2 yards, 1 yard. C'est ça. Donc ça compte pas, c'est juste qu'on s'est pris une grosse action et voilà, le front seven il l'a lâché à ce moment-là. C'est à ce moment-là que le front seven a lâché. Bien sûr. C'est-à-dire après... que toute l'équipe avait déjà lâché, il restait plus que le front seven et c'était le dernier rouage qui a lâché. C'est ça. Match, certes, mais bon. Voilà. Après, au niveau du front seven, y a deux joueurs qui pour moi sont sortis du lot. Il y en a un, c'est pas une surprise parce que c'est comme d'habitude, c'est Jamie Collins. Oui, il rate un plaquage par contre, il rate un plaquage. Je sais, c'est en deuxième mi-temps, je sais qu'il rate un plaquage où on prend un first down sur une troisième tentative. Ouais, je dis bon, là, dommage. Mais après, voilà, il met une interception, il est bien, donc rien à dire sur lui. Et par contre, c'est Long qui m'a vraiment fait une grosse impression hier. Je l'ai trouvé très bien en place dans le système défensif. Et je pense que pour la suite, il peut vraiment, vraiment, vraiment nous faire du bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ben, moi, ça fait deux matchs que je le trouve bon. Après, il faudra voir avec le long terme. Mais ouais, c'est. J'ai trouvé aussi Freni en début de match, un peu moins après. Mais Freni, je l'ai trouvé pas mal aussi. Ouais, effectivement, ouais. J'ai trouvé bien en place aussi, et franchement, ça donnait bien. Si on regarde. Petite stat, tiens, pour compléter un peu ce que vous dites, au niveau des linebackers, au niveau des snaps, Jamie Collins, effectivement, c'est lui qui en a pris le plus en surprise 65, et derrière, c'est Freni. Mingo, après, c'est Roberts qui en a fait 6 et Mingo qui en a fait 5 au niveau des linebackers. Donc, c'est quelque chose quand même qui est assez important, et Freni quand même commence à prendre de plus en plus d'importance au niveau des linebackers. Bah, c'est ce qu'on disait en début de saison, de toute façon, hein. Qu'il serait là et que forcément il ferait mal. Quoi. Bien sûr, bah, Mingo, c'est la bonne pioche pour moi de toute façon. Ouais. Ouais, en plus, pour moi, il n'a pas beaucoup joué, donc on verra ce que ça va donner. Ouais, mais pour moi, c'est une bonne pioche. Je me souviens d'un match de pré-saison. Normalement, oui. Impressionnant qu'il avait fait. Donc il a prouvé que le niveau, il l'avait. Après, il faut qu'il s'intègre bien au collectif aussi. Quoi. Après, j'ai bien aimé aussi Max Hélin, qui n'a pas été mauvais. Il a fait 2-3 snaps qui n'étaient pas trop mauvais. C'est voilà quoi. Enfin, en même temps, après, là, on est en train de parler sur un demi-match. Quoi. C'est toujours pareil. Ouais. Et on part sur un demi-match. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le problème. On parle d'un demi-match, là, ouais, c'est clair. Exactement, on a parlé d'un demi-match. Et nous, on se retrouvait justement dans quelques instants pour parler de l'autre partie du match. Et là, il y a des choses à dire. Le tournant de ce match, c'est la blessure de Jimmy Garoppolo juste avant la fin de la première mi-temps. Et donc l'entrée du troisième quarterback des New England Patriots, Jacoby Brissett. Alors effectivement, ça a changé pas mal le jeu des New England Patriots. On s'est beaucoup plus tourné vers le running game. Mais surtout, messieurs, je voudrais vous entendre sur ce nouveau quarterback qui normalement devrait débuter jeudi face aux Texans, étant donné qu'à date, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, Jimmy est absent une voire deux semaines. On a de la chance, à un moment donné on parlait même de six semaines voire de plusieurs mois, on est qu'absent une ou deux semaines, mais c'est le jeune Jacoby Brissett qui devrait débuter jeudi. Alors messieurs, ce Brissett, qu'est-ce qu'il faut en penser? J'ai le droit à un joker? Vas-y. Un joker. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Moi, je vais pas donner de joker. Bon, alors, moi, je dirais simplement que quand on regarde sa feuille de stats, sans avoir vu le match, on pourrait se dire qu'au final, pour un troisième QB, sans savoir le scénario du match, 6 sur 9, 92 yards, 0 interception, on pourrait se dire que ça pourrait être pas mal. Mais non. Mais nous, on a vu le match. Donc, effectivement, je pense que déjà, il ne devait pas s'attendre à rentrer. Parce que c'est vraiment sur une blessure, bon, c'est vite, vite, on n'a pas le choix. Donc, puis faire son départ dans le grand bain, on peut dire que les circonstances étaient bonnes car on menait largement au score. Voilà. Mais je pense qu'il s'est mis un gros, gros, gros coup de pression. Même si. Avant ça, j'étais déjà pas fan de ce qu'il faisait, mais je pense qu'il s'est mis un gros, gros, gros coup de pression et ça s'est ressenti à tous les étages sur le terrain d'ailleurs, entre des passes trop basses en arrière. Je pense qu'il a eu beaucoup de chance de ne pas se faire intercepter parce que sur ses passes, il y en a quelques-unes où il était vraiment pas loin. Ouais, il était clairement pas au niveau hier soir. Ouais, je te rejoins sur un peu tout ce que tu dis. Mais c'est comme dit Edelman sur son interview, il a dit c'est encore un bébé. Bah oui. Bien sûr. C'est pour ça que je veux pas être trop dur avec lui non plus. C'est-à-dire que déjà nous, comme on disait dans le fan club, on n'était pas trop pour ce QB là. On l'a dit quand il a été drafté. Bon, ça a été fait. C'est qu'il avait la confiance un petit peu. C'est qu'ils avaient vu quelque chose. Mmh. Après, ils s'attendaient pas du tout à rentrer. Pardon, du tout. Je pense qu'il n'a pas trop mal réagi parce que bon, c'est lui qui est quand même à l'origine du TD de Blount. Oui. Bah, après, c'est vrai, comme tu disais, sur les passes, il a failli se faire intercepter, il fait un fumble. Ouais. C'est un peu du brouillon, mais c'est du brouillon qui a servi parce qu'on n'avait rien d'autre. Je pense pas qu'on aurait mis Edelman direct. Ah non, on en avait besoin pour les passes. Voilà, on en avait besoin pour les passes, à la limite, voilà. Et il y a une autre petite statistique que vous trouverez peut-être pas ailleurs. Mm-hmm. Il était chez lui. Ah oui, bah ça, bien sûr. Il est de Floride. Et il jouait contre l'équipe qu'il aime bien, en fait. Ouais, mais bon, après, le match, il se joue à Boston, quand même. Le match se joue à Boston, bien sûr, mais il jouait contre l'équipe qu'il aime bien, donc voilà, ça fait la pression supplémentaire, je pense. Bien après, sûr. Tous les jeux qu'il a fait, comme je disais hors antenne à Cédric, je pense que ça a été du par cœur. C'était du jeu préétabli. C'est ça. Ouais, ouais, je pense que c'est ça, parce qu'il n'était pas prêt et tout le monde le savait, donc ils ont fait avec les moyens du bord. Voilà. Et c'est pour ça que le coaching staff a paniqué. Il savait pas comment faire et comment. Voilà. Eh bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je vous trouve. Exactement. Je vais rejoindre un peu ce que tu dis, Jean-Jacques. Mais je vous trouve très dur quand même avec Brissett. Alors, c'est vrai que. On prend des pincettes, hein. On prend des pincettes. Ah non, des pincettes. Si on avait dit ce qu'on pensait vraiment, ce serait pas ça. Enfin, sur le moment, sur... Hein, je veux dire. Sur, ouais, le... sur le moment, c'est qu'un demi-match. Moi, c'est surtout, je pense que le coaching staff ne l'a pas forcément ni mis en confiance vis-à-vis de lui-même, ni mis en confiance vis-à-vis de ses coéquipiers aussi, surtout. Sûr, en disant, bah, c'est un troisième QB, on est extrêmement frileux, et ça s'est senti dans le coaching, ça s'est senti tout de suite. On a senti un manque de confiance vis-à-vis de ce quarterback, donc tout le monde a été frileux en attaque, et ça, c'est devenu très compliqué. Maintenant, il faut voir, avec une semaine dans les jambes, de travailler avec l'équipe première, d'avoir quelques snaps en plus, de faire aussi d'autres appels de jeu. Je pense que sur deux matchs, il est capable de tenir un minimum le niveau pour pouvoir assurer le minimum. Après, ce ne sera pas lui d'apporter la victoire, on lui demande juste de gérer, et je pense qu'il en est capable. Après, il n'ira peut-être pas au-delà par rapport à son potentiel. Est-ce qu'on peut en lire à droite, à gauche, que ce soit du président, même vous qui le dites, messieurs, ça sera peut-être compliqué, mais en tout cas, au moins dans un premier temps. Et puis, quand on lit le discours d'après-match, au final, tout le monde est à peu près satisfait de sa prestation, jeune. Et voilà, ils sont tous un peu derrière lui, à le couver, à le protéger. Ils savent que c'est un jeune. On verra par la suite. Est-ce que c'est pas un petit peu un truc de com, dire voilà, on rassure l'équipe, on rassure les fans, on rassure tout le monde. Il faut, c'est normal. Et puis il faut le mettre en confiance, ce jeune. Et en plus, il faut le mettre en confiance. C'est ça. Là, moi, quand je dis qu'il était clairement pas au niveau, pour moi, c'était sur le match d'hier. C'est sûr qu'en même temps, on sortait d'un Garoppolo qui sort avec une fiche de 18/27, 234 yards, 3 touchdowns en une mi-temps. À Brissette, forcément, on pouvait que être déçu. Mais ça, c'est à froid qu'on s'en rend compte. À chaud, forcément, on n'a qu'une envie, c'est de dire faites quelque chose, quoi. Mais bon. Après, on a quand même gagné le match au final. Hein. Moi, je pense que l'important à retenir, c'est quand même la victoire. Hein. Après, Ah oui, ah non, pour résumer, je pense qu'il n'y aura que ça à retenir de ce match-là. Au final, ça ne sera que la victoire et pas autre chose. Ouais, parce que pour Brissette, je voulais rajouter un petit truc. Vas-y. À sa décharge, il faut voir aussi que, comme tu disais à juste titre, s'entraîner avec l'équipe première, il faut voir que ses receveurs aussi ne sont pas forcément habitués à ses passes. C'est-à-dire qu'un quarterback à l'autre, hein, la sensation du ballon, le lancer, tout est différent. Donc forcément, certains petits drops qu'on a pu voir sur des passes qui nous semblaient bonnes, il faut aussi voir, il faut s'habituer à jouer avec ses coéquipiers. Ah oui, moi, je pense que c'est ça. Il y a une habitude qui doit s'installer. Déjà avec une semaine, même si c'est pas une semaine complète, étant donné qu'on joue jeudi soir, mais il y aura certaines habitudes, certains réflexes, un certain travail. Et ouais, une certaine bulle qui va s'installer. Moi, je pense qu'il déjà, il va y avoir obligatoirement un travail qui va être fait sur ça, parce qu'il faut qu'il soit prêt pour le match. Il va falloir bricoler quelque chose. Quand il est rentré sur le terrain, on voyait que le match, il avait changé complètement. Il n'était pas prêt. Le coaching staff n'était pas prêt. Ils se sont dit, ça va tenir. La baraque va tenir. Et personne n'a tenu. Et le problème, c'est que quand tu as un quarterback déjà qui est remplaçant, qui se blesse, tu te retrouves avec un QB3 qui est vraiment loin d'être prêt. Et qui n'a jamais fait un match NFL. C'est-à-dire que quand il a joué en université, bien sûr qu'il a déjà joué au football, il est bon au football. Il a joué au niveau, mais ce n'est pas du football professionnel en NFL. Ouais, c'est-à-dire que le niveau, c'est du x10, voire du x30. Voilà. Forcément, quand tu vois un linebacker arriver, c'est le meilleur linebacker que tu aurais eu en face dans ta saison de NCAA quand tu étais en collège. Mais le truc, c'est que tu n'es pas prêt à ça. Il te faut au moins une année de préparation regardant, en te disant voilà, c'est comme ça qu'on s'entraîne. Maintenant, il faut que tu désapprennes ce que tu as appris au collège. Et il a eu même pas 6 mois pour faire ça. Et 6 mois en troisième quarterback, même pas en deuxième. Parce que si Jimmy nous a fait deux aussi belles prestations en deux matchs, faut pas oublier que pendant l'intersaison, tout a été fait pour monter l'attaque autour de lui pour ses 4 premiers matchs. C'est pas Tom qui prenait les snaps à l'entraînement, hein. C'était lui. À mon avis, il préparait Garoppolo avec l'équipe type. Voilà. Et la practice squad devait aider et faire l'aller-retour entre le QB3, Garoppolo, QB3, Garoppolo. Je suis pas sûr que dans toute la préparation qu'a eu, Brissette ait fait beaucoup de passes, ne serait-ce qu'à Amendola, Edelman. Je pense que non. Je pense que non. Mais je peux me tromper. Attention, hein. Je ne sais pas la préparation qu'il y a eu. Moi, je pense comme toi. Parce que je pense que déjà, il fallait, vu que la sanction de Tom est tombée assez rapidement, ouais, je pense qu'ils ont surtout beaucoup travaillé avec Garoppolo pour le faire s'habituer au tracé, aux courses de ses receveurs qui sont jusqu'à la week 4 ses receveurs. Ce sont pas ceux de Tom. Tom ne peut pas jouer. Donc, ce sont ses receveurs. Et il nous l'a montré, on l'a déjà dit, Garoppolo nous a montré que ça fonctionnait. Voilà. Le seul receveur de Tom en ce moment, c'est Wes Walker. Ouais, d'ailleurs, on l'a vu dans le stade. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir à Fred. Oui, à Julien aussi. Ouais, ben oui, mais. Non, mais il n'y a pas d'automatisme. Quand il n'y a pas d'automatisme, je pense qu'il s'en est bien sorti. Sans automatisme, franchement, il s'en est bien sorti. Mais après, voilà, le coaching staff a paniqué parce qu'il savait qu'il n'était pas prêt, il savait qu'il n'y aurait pas d'automatisme, mais il a bien réagi. Ça, c'est un truc à mettre à son... Parce que je pense qu'on aurait mis un QB3, un autre QB3 d'une autre équipe, ça aurait été un carnage. Je pense que... Après, ça a quand même été pas loin d'un carnage. Hein. Faut pas non plus. On a échappé à la catastrophe. Parce que si, à l'heure actuelle, le score était inversé, je peux te dire qu'on dirait pas la même chose. Oui, mais on aurait rien eu à dire, tu vois. On aurait dit, c'est la blessure, Mais on aurait été plus dur parce qu'on aurait perdu. C'est le fait d'être encore plus mécontent. Cette défaite, on l'aurait pas démérité, tu vois. C'est sûr. On ne peut pas lui donner la défaite, enfin s'il y a défaite ou même la débâcle de deuxième mi-temps qu'à lui. Non, mais on peut pas lui donner la victoire. Non, mais voilà. La défaite, elle n'incombe pas. Ni lui donner la défaite ni la victoire, donc il a juste bricolé la fin de match qu'il fallait faire. Sur deux cartons, à peine plus de deux cartons. Voilà. Après, on verra la semaine prochaine face aux Texans s'il a un peu moins de pression. Sans pression, avec un peu plus de préparation, autant ça peut, sur des Texans qui sont pas forcément la meilleure équipe de NFL, on serait tombé la semaine prochaine contre les Seahawks, contre les Steelers ou. Ou les Broncos, je peux te dire que moi, je voyais un match à 77. Voilà. Ouais, c'est à peu près ça. En tout cas, t'en parlais, Cyril, c'est pas lui qu'il faut incomber forcément les lacunes qu'on a eues dans ce match. La déroute de deuxième mi-temps. Par contre, là où je vais beaucoup plus critique, c'est qu'on a complètement lâché mentalement. On est resté au vestiaire. Mentalement. Bon, on a déjà parlé l'année dernière. Mentalement, mais tout le monde, mais même le coaching staff. Tout le monde, il n'y a pas eu une seule réaction d'orgueil. Défensivement, offensivement, c'était ça. Compliqué parce qu'on a fait, rentrer le troisième quarterback. Mais derrière, le coaching staff n'a pas montré une confiance vis-à-vis de ce quarterback pour rassurer les autres joueurs offensifs. Au final, tout le monde est passé un peu au travers, sauf le garde blood qui a assuré le minimum. Bon. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour avancer vu qu'on a eu qu'un TD. Mais Blount, il a pris ses engagements pour ne pas être vulgaire. Il les a portés comme il fallait, ses attributs, et il a pris en main cette attaque qui était orpheline. Exactement. C'est ça. Et je dirais même plus, je pense que c'est le seul joueur qui ne s'est pas merdé. Moi, je pense que surtout, ça a été très communicatif entre tous les joueurs. Sur la sideline, c'est que la frousse a commencé à prendre. C'est-à-dire que ça a commencé avec une partie d'attaque et ça s'est répandu à toute l'équipe petit à petit. Avec la frousse du comeback qu'on connaît tous en NFL, je pense que c'est un des sports où on voit les comebacks les plus magiques. Hein. Et bien là, c'était complètement ça. C'est-à-dire que les Dolphins prenaient confiance, plus nous on la perdait. C'est ça. Et je vais te dire une chose, si on est à Miami, on perd. Ah ben, si on est à Miami, on perd, c'est sûr. Non, parce que des comebacks, on en voit toutes les semaines. Et là, ils en auraient fait un magnifique. Parce que de, ouais. Si je dis pas de conneries, 24-0. 24-0, tu peux même aller jusqu'à 31-3 ouais. Au début du troisième. 31-3. Troisième quart-temps, et tu gagnes à 2 secondes de la fin sur une interception dans la end zone. C'est là où c'est même pas normal. Je suis désolé. Ah ben mais sûr. Là, pour le coup, ce n'est pas normal. Toute l'équipe a chopé la frousse. Comme on a dit, ça a commencé avec l'attaque, ça a suivi avec bon, le backfield. Ça, j'ai envie de dire, malheureusement, et sur ça, je suis très critique chaque année. Bon, on a été bien habitué il y a deux ans. D'accord, on va y revenir sur le backfield tout à l'heure, on va y revenir. Incroyable. Mais ça a été quand même jusqu'à Gostkowski, qui pourtant, c'est le meilleur kicker de la ligue. Ça a été jusqu'à lui, qui a le field goal qui peut nous assurer une victoire plus tranquille dans les deux dernières minutes. Et qui le fait passer à droite. Ouais. Et pas qu'un peu en plus. Et pas qu'un peu, elle part bien. C'est dévissé. On aurait dit une frappe de football qui est de soccer. Qui partait, les pions, Putain, ouais, c'est ça. Ah, il a visé la lucarne, mais de extérieur. Voilà. Ah ouais, non, mais ça a été, ça a été affligeant. Non, mais c'est là où c'est pas normal. Que, mais c'est là où c'est pas normal. Je sais que, voilà. Messieurs, on a discuté hier en direct. Mal, hein. C'est ça. C'est ça. C'est là où mentalement on doit pas lâcher. Et le coaching. Et j'impute d'autant plus au coaching staff que personne n'a été capable de les remobiliser. Après, je sais pas ce qui s'est dit sur la sideline, mais quand même de les voir lâcher comme ça tous, ce n'est pas normal. Et de coaching staff de montrer peu d'assurance derrière. Non, mais ça s'est vu. Ça s'est vu sur les images. On le voyait quand il s'est blessé. Quand il s'est blessé, mais la plupart des gens sur la sideline, ils étaient là, ils disaient mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah bah, et on voyait, et justement, quand justement il voit qu'il est blessé, on voit Brissette se lever, tirer deux ballons et partir. Bah c'est ça, bah oui, mais il fallait continuer le drive. C'est ça. Après, pour la sideline, pour remobiliser des joueurs pendant un match, c'est très compliqué. C'est-à-dire de le faire à la mi-temps, quand tout le monde rentre au vestiaire, c'est un compte, t'es confiné, machin. Et ça, j'en parle d'expérience propre au niveau du football américain français. De réussir à remobiliser une équipe sur le bord du terrain, c'est mission quasi impossible. C'est-à-dire que quand la machine est en marche, à part coup d'éclair qui fait reprendre confiance à tout le monde, un big play. Ouais, mais, voilà. Mais là, à la mi-temps, on aurait été capable de remobiliser. De dire, attendez, les mecs, on vient de perdre notre QB. Ouais, maintenant, on s'applique. À la mi-temps, il n'y avait pas le feu. Ouais, mais à la mi-temps, il n'y avait pas le feu. Tu perds ton QB. À la mi-temps. Tu perds ton QB aussi. Ah, je suis 100%. Ah, mais je suis 100% là, je suis désolé, mais mentalement, tu dois te dire, tu dois serrer. Mais je pense que le discours de mi-temps, je pense que le discours de mi-temps a été ça. Tout en disant, il n'y a pas le feu et excès de confiance. Ouais. Et patatras. Après, on n'était pas dedans, on ne peut pas savoir, mais moi, je le vois comme ça. Ils se sont dit, on a 28 points d'avance, il reste deux cartons. Deux cartons, on va faire tourner l'horloge. Faire tourner l'horloge, on va faire courir, on va faire machin. On ne devrait pas trop risquer de grand-chose si on marque un TD au run. Voilà. Ouais, mais t'as failli perdre. Ouais, t'as joué petit bras pendant. Plus d'une demi-heure parce qu'on a joué petit bras une demi-heure. Et je vais te dire, et ce backfield, je sais qu'on va en parler, mais on va en parler même tout de suite, Cyril, du backfield qui a été inexistant. Alors, exécrable. Alors, on connaît les deux joueurs vedettes que sont Logan Ryan et Justin Coleman. D'ailleurs, entre parenthèses, Justin Coleman a pris plus de snaps que Logan Ryan. Mais ceux deux-là ont complètement été à l'ouest. Je crois que c'est sur le deuxième touchdown de Miami. Il a 2 mètres de retard sur son receveur dans la end zone. On est au niveau professionnel, on n'est pas en troisième division nationale. Ces deux-là, on les connaît. On les connaît, on a l'habitude. Chaque semaine, c'est la même chose. Ok. Mais là où j'ai plus de problèmes, et c'est depuis 2 matchs, c'est Butler. Butler, ça fait 2 matchs qu'il autorise plus de 100 yards sur un receveur. Alors ok, peut-être qu'il est en difficulté sur le premier face à sur qui défendait. Mais là, ça commence à faire beaucoup. Alors écoute, moi je pense qu'il y a une réponse à ça. Butler est sorti de nulle part. Hein, Butler, on l'avait trouvé bon, voilà. Au Super Bowl, il sort l'action du siècle. Tapage médiatique énorme autour de lui. Les équipes adverses, d'ailleurs, il y a une image qui est forte dans le Super Bowl contre les Seahawks. Quand ils rentrent sur la dernière action, sur la sideline des Seahawks, ils disent ils ont fait rentrer le 21. Ils ne connaissaient même pas son nom. Ils ne savaient même pas qui il était. Et je pense que toute l'année dernière, il a été correct. voire très correcte. Et je pense que la vidéo a beaucoup tourné. Et là, il montre peut-être ses limites aussi. Ouais, mais là, c'est défensivement. Avant, la saison dernière, il était quand même sur les joueurs. Il était sur les receveurs. Là, pour le coup, il n'y est plus au marquage. Oui. C'est même au-delà de la vidéo, oui, ouais, c'est là... qu'il y a un problème de marquage. Ah ben oui. C'est là où c'est, ça devient beaucoup plus problématique. Ça, on est d'accord. Ça fait deux matchs qu'il est un peu en retard. Ouais. C'est-à-dire qu'on compte beaucoup sur lui. Il a beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tacles. C'est lui qui a le plus gros nombre de tacles de l'équipe. Faut dire ce qu'il y a, il est sur toutes les actions. Ah oui, ça. Oui. Mais le truc, c'est que moi, ce qui me fait peur, c'est pas le fait qu'il suive pas ou que à un moment donné, peut-être qu'il va se réveiller. Mais le problème, c'est que on a joué contre les Dolphins, qui n'en sont pas non plus des receveurs. Voilà, c'est pas des foudres de guerre. Landry. Ouais, il y a Landry, mais c'est pas des foudres de guerre. Après, il était contre Fitzgerald la semaine dernière. Donc, je me suis dit, bon, c'est quand même du top. Je m'étais un peu moqué de Fitzgerald sur le récap du premier podcast. J'avais dit que c'était pas Pi Fitzgerald. On m'avait dit qu'il fallait pas l'enterrer. Et on m'a donné raison. T'as vu les stats qu'il a fait ce week-end? Voilà, c'est-à-dire qu'il fallait pas que je dise ça. Ça y est, il va faire une saison monstrueuse. Bien sûr. Je suis un chat noir, de toute façon, alors sur ça. Ah non, mais du coup, Fitzgerald. Mais par contre, je l'adore. Hein. J'adore ce joueur, hein. Fitzgerald, j'adore. Il est exemplaire. Mais par contre, voilà. Je pense que le jour où on va tomber sur du top receveur, j'espère qu'il sera présent quand on va jouer les Steelers, par exemple. Et c'est pour ça que je donne la Texans, défaite. Même les Texans, là. Même les Texans, quand il va y avoir Foster. Parce que DeAndre Hopkins. Ouais. Non, Foster, il n'est plus Ariane Foster. Ah non, il est vrai qu'il n'est plus Foster. Il est chez les Dolphins. Non, ouais, Couleur. Voilà, c'est ça. C'est Couleur, lui que je cherchais. Voilà, et tu as DeAndre Hopkins qui est voilà, pour Hopkins moi. Hopkins et Fuller. Dans le top 5. Le top 5 de la ligue, sans problème. Mais oui, mais ces deux-là, il va falloir les arrêter. Et donc, qui tu mets sur Hopkins? Tu vas mettre forcément Butler. Et qui tu mets sur Fuller, bah, tu mets Ryan et ça va être un carnage. Mais bon, on en parlera dans la preview tout à l'heure. Garde-nous ça pour la mais, suite. Mais franchement, entre Ryan et Coleman, un n'en touche pas l'autre. Hein. Ça a été kiff bourrico. Les deux étaient à jeter sur ce match. Vivement que Eric Rao, celui qu'on a, que le cornerback qu'on a tradé, puisse enfin rentrer en jeu parce que pour moi, il est toujours blessé. Espérons qu'il soit là face au match, face aux Texans, mais c'est sûr que ça nous ferait du bien. Au niveau des corners, ça nous ferait énormément de bien. Voilà, mais le problème, c'est que je pense qu'encore, ces personnes-là, c'est-à-dire Ryan, Chung, Coleman, ils ne se trouvent pas encore en danger, tu vois. Alors, et puis, ouais, mais Chung, le problème, moi, ça, je l'ai dit souvent sur Chung, mais Chung, il ne faut pas oublier que l'année où il part chez les Eagles, il a quand même été élu plus mauvais défenseur de la ligue. Ça, c'est quelque chose. Moi, pour moi, Patrick Chung, ça peut être un bon défenseur, mais c'est tu peux pas. Pour moi, il peut pas être titulaire indiscutable. Enfin, après, c'est un avis personnel. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi complètement. C'est-à-dire que le type, quand il y a de la course, il est correct, mais quand il faut rattraper une passe, ça se chie dessus. Et encore, là, sur ce match, je l'ai trouvé exécrable sur les courses. Hein. C'est-à-dire que il était en dessous en deuxième mi-temps. Comme je disais sur la course de Tannehill tout à l'heure, il s'est fait bouger par un quarterback. Ah bah oui, et puis bien comme il faut, il se prend un cul le gars, quoi. Vulgairement parlant. Il se fait démonter. Et juste derrière, qu'il se soit fait démonter, il y en a un qui arrive derrière et qui lui met une cartouche. Ah oui. Mais il le déboîte. Et franchement, à ce niveau-là, ça ne doit pas arriver. Ça doit pas arriver. Voilà. Complètement. Mais après, notre équipe n'a jamais été connue comme le meilleur defensive back de la ligue. Le seul qu'on ait eu. Ces dernières années, on n'en a jamais eu. Mis à part Revis, qui n'était pas vraiment Revis, des nôtres. Quand on avait l'année du titre, avec Browner, ça allait bien aussi. Hein. Ouais, ouais. Quand même, c'était Monsieur Faute, c'était Monsieur Flag, mais bon, après. C'était un fou, même, je dirais. Mais. Ouais. On n'a jamais été connu pour ça, quoi. Non. La dernière légende qu'on a eue, c'était Lowe. Donc. En tout cas, c'est sûr que c'est compliqué. Et derrière, surtout quand le mental ne suit pas, les lacunes, on les voit tout de suite. On l'a vu. Donc, on en a parlé là, au niveau des corners de la défense Steve Back. L'autre lacune qu'on a, et là, on en a un peu esquissé déjà pendant l'émission, c'est la O-line. Alors, on aura autant félicité au niveau de la protection, au niveau de la course, mais au niveau de la passe, qu'est-ce que ça a encore été compliqué. Et ce ne sont que les Dolphins. Bon, il y a un gros front seven. Enfin, ils ont une D-line qui n'est pas dégueulasse non plus, les Dolphins. Hein. Bien sûr. Mais, bon. Mais tiens, petite stat pour compléter sur cette O-line, au niveau des problèmes de la protection, Andrews, il a concédé un QB hit. Alors, Blount qui a participé, il a concédé 2 QB hit. Mason, il a concédé un sac. Tunney, il a concédé pour lui 1 QB hit. Il a fait 2 holdings. Et Cannon, le grand spécialiste, alors lui, c'est le grand chelem, 1 QB hit, une pression quarterback, un holding et un sac. C'est trop. Mais c'est ça, c'est sûr. Là, autant sur les Cardinals, on a été plutôt correct. Là, même chez les Cardinals, comme je t'avais dit, il a fait une faute qui nous a coûté un TD. Hein. Bien sûr. Oui, bien sûr. Mais là, mentalement, en plus, on lâche. Là, les lacunes, on les voit d'autant plus. Et ça va pas. Là, il y a un vrai recadrage à faire, même au niveau de la O-line. Là, c'est bien plus sûr. Possible. Il faut vraiment se recadrer. Alors, ok, Tony, c'est un jeune, c'est un rookie et tout, mais il faut vraiment se recadrer. Mentalement, c'est compliqué. On est complètement passé au travers. Donc, il est difficile On a beau mettre en avant les lacunes que l'on connaît, il faut voir. Maintenant, c'est juste la réaction qu'on a besoin de voir face aux Texans. Parce que là, à la sortie d'un match où on disait tout va bien se passer, on va passer un superbe dimanche, ça va être la fête et on va rouler sur les dauphins. Au final, on sort à la sortie du match, on a plus l'impression d'avoir quasiment perdu, qu'on sort plus avec des incertitudes que des satisfactions. Notamment. Je vais te dire un truc, on a eu la même impression la semaine dernière. Hein. On est sorti vainqueur en se disant que si on aurait perdu. Oui, ça aurait été la même chose. Ah, je suis d'accord que ça aurait été. Ça fait deux fois, je pense que la troisième, je pense qu'on va passer. Ça sera pas, à mon avis, à un moment donné. Hein. Mais bon, la chance est avec nous pour l'instant. Hein. Ah oui, on verra bien face aux Texans. D'ailleurs, nous, on se retrouve dans quelques instants pour parler de la preview du match de jeudi soir, le match face aux Texans. Jeudi soir, les New England Patriots affrontent les Texans de Houston. Alors, on a évoqué toutes les incertitudes qu'il pouvait y avoir sur ce match, toutes les questions qu'on peut se poser, toutes les réactions que l'on attend, notamment au niveau mental, la performance de Brissett, la performance de la défense, la performance, on en a évoqué, de nos corners face aux receveurs de Houston que sont Fuller et que ça soit Adrian Hopkins. Alors évidemment, ils ont comme QB aussi Osweiler, qui est plus que correct, même s'il lance l'interception, il est plus que correct. Qu'est-ce que ça va donner pour vous, messieurs? Quelles sont les clés du match, de ce match de jeudi soir, Jean-Jacques? Alors, les clés sont simples. Hein, de toute façon, première clé, le coaching. Il faut vraiment que les coachs se remettent dans le bain et donne la confiance à toute cette attaque qui sera tout juste préparée. Parce que Brissett sera là. Et ça sera son premier start. Il va avoir la pression de ouf. Il va falloir qu'il le rassure. Et ça va se jouer sur le premier carton, de toute façon. Voilà. Après, mon deuxième point, je vais dire que c'est la deep, hein. On connaît Osweiler, il aime lancer loin. Moi, quand je le vois, on dirait du Flacco, tu vois. Ouais. J'ai l'impression qu'il veut toujours aller très, très loin. Le 10 yards, il ne connaît pas. Le 15 yards, il ne connaît pas. C'est du gain à du... Bon, après, il a les joueurs pour. C'est-à-dire il y a Hopkins, il y a Fuller. C'est pas du mauvais. Hein. Comme on disait tout à l'heure, c'est du top. Donc forcément, il va aller chercher loin. On n'est pas équipé pour. Et donc, je pense qu'on va s'en prendre quelques-uns. Voire je dirais deux. On va s'en prendre deux faciles en deep. Parce qu'il faut dire que les deux qu'on s'est pris contre les Dolphins, eh ben c'est des passes longues. Hein. Alors là, bien sûr. Deux, on va se les prendre. Ensuite, il y a le trio. Le fameux trio que j'aime bien. Notre chouchou d'avant ou de Will Fork. Watt et Clooney qui vont faire un petit carnage quand même. Je pense qu'ils vont faire très, très mal. Et encore, on a de la chance. Clushing est blessé. Donc, Ouais, mais franchement, je pense qu'on va prendre cher sur la O-line. Parce que je pense qu'elle ne va jamais être aussi malmenée que sur ce match-là. Ah, pour moi, ils ont le meilleur front seven de la ligue. Donc, ouais, je suis d'accord. Et ouais, je pense qu'on va se prendre une grosse. Et puis, comme une bonne nouvelle, je n'arrive jamais seul. Alors, à date, il est incertain pour le match, mais c'est notre centre Andrews qui est blessé. Bravo. Ah, bah oui, bien. Et Gronk, après, c'est pareil, je pense qu'il est dans les incertitudes. Pour moi, dans les incertitudes, qui était absent aujourd'hui à l'entraînement, on l'enregistre lundi soir, c'était Butler, Hightower, Rowe, Andrews et Garoppolo. Et je pense que Gronk doit être dans le lot aussi, pas très loin. Ouais. Hightower manque énormément, je trouve aussi. Ouais, ouais. Oui, et puis la perte, de Chandler Jones, hein, je suis désolé, mais là, elle se fait ressentir aussi. Ouais, mais sur les sacs. Ah oui. Sur les sacs, ah oui. Voilà. Sur le contain même. Ouais, aussi, ouais. Après, bon, là, c'est du Osweiler. On l'a déjà rencontré. On a perdu déjà contre lui. Oui. C'était pas contre la même. Il n'était pas avec la même équipe. Là, c'est un peu plus faible que les Broncos de l'année dernière. Oui, certes. Mais, mis à part le rushing qui est pas très, très bon chez eux, parce que Miller, moi, je suis pas trop fan. Non, non, non. Et je pense pas qu'ils Alfred fassent grand-chose contre notre... Ouais, pareil. Mais je pense qu'ils font pas grand-chose contre notre front seven aussi. Ça va jouer beaucoup à la passe. Beaucoup, beaucoup à la passe. Donc, ah oui, oui. Ça va être un match. Oui, oui. Bien sûr. Après... Je pense qu'on va prendre cher. Mais ça sera un match à voir. Je pense que ça va être un match défensif. Plus qu'offensif. Bien sûr. Moi, en début de saison, les Texans, je les avais ciblés comme un peu l'équipe... surprise, sans que ce soit vraiment une surprise, parce que ce qui leur manquait vraiment aux Texans pour avoir une équipe compétitive, c'était un quarterback compétitif. Mais les Texans, pour moi, c'est une équipe qui, cette année, peut-être pas de là à dire qu'ils vont gagner le titre, mais c'est une équipe sur qui il va falloir compter. Et je pense que, bon, déjà là, ils restent sur deux victoires, même si le week-end dernier, c'était une victoire juste, mais victoire quand même. Mais les Texans, c'est vraiment l'équipe. Donc, dans les matchs sans Tom, moi, j'avais mis la défaite sur le match des Texans. Je me trompe peut-être, mais je pense qu'ils ont l'équipe qui peut nous faire le plus mal aux endroits où est-ce que nous, on est mal. Ouais. C'est-à-dire ouais, sur les passes profondes, comme tu disais, sur les passes profondes, et puis avec un front seven qui, pour moi, ne fera qu'une bouchée de notre line. Mais je vais te dire un truc aussi, ça va passer aussi par le coaching. Ben, on connaît le coach des Texans. Hein. Ah, bien sûr, on le connaît bien, oui. Ryan, ben ouais, on le connaît très bien, mais lui aussi nous connaît très bien. Et bien sûr. Et c'est un problème aussi. Et je pense qu'il va réussir à s'adapter. Et vu qu'on est un petit oiseau cassé avec une petite aile en moins, oh oui. Je pense que tous ces facteurs vont faire que la défaite sera là. Elle est tout est fait pour ça. C'est-à-dire que même les bookmakers ont pronostiqué la défaite des Patriots. C'est-à-dire qu'on est à la côte, je crois, là, on est à 2 et je crois que les Texans sont à 1-6. C'est-à-dire que, bon, la côte, elle n'est pas très très haute non plus. Hein, mais, certes, mais pour moi, ça on sent vraiment le vent tourner. On sent vraiment le vent tourner. On sent que c'est ce match-là où ça va faire mal. Oui, et bon, après, si on le perd, on le sent perd. La défaite. Enfin, y a bah, pas la mais ça, non, alors, je vais te dire une chose. Je préfère perdre contre les Texans la semaine prochaine que contre les Bills la suivante. Ah oui, ou que contre les Browns la semaine d'après. Les Bills, évidemment, c'est un match de division, donc ça paraît logique qu'il faut éviter de le perdre. Voilà. Non, ou même contre les Browns, attention, même contre les Browns. Parce que tu te retrouves au fond du saut, quoi. C'est, ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est ça. Quand tu vois qu'ils menaient 20-0 dans le premier quart-temps contre les Ravens ouais, et qu'ils finissent par perdre 25-20. Après, je pense que les Ravens, je pense qu'ils étaient endormis, je pense qu'ils dormaient ou il y a quelqu'un qui a pas sonné le réveil ou du QB. Ouais, voilà. Bien je sais sûr, pas. Mais ils ont quand même fait un comeback de 25 points. Quoi, oui. Oui, mais. Non, mais pour en revenir aux Texans. On parle de Cleveland, voilà. Voilà. Remettons les choses à l'ordre. Pour en revenir aux Texans. Même si leur backfield, c'est pas non plus un backfield du feu de Dieu, il y a quand même un joueur comme Jonathan Joseph qui est un très bon joueur. Voilà. Et je pense que si lui arrive à museler Julian, si en plus de ça on n'a pas Gronk, ça va être vraiment, alors, vraiment compliqué. Je pense qu'il ne sera pas là. Je pense. Alors, moi, ce que je ne voudrais pas, ce que je ne voudrais vraiment pas, c'est qu'on force Gronk à rentrer en disant il faut qu'on gagne ce match. Franchement, le Prez sera d'accord avec moi. Ouais. S'il n'est pas remis, s'il n'est pas prêt, on fait pas. Et c'est exactement la même chose pour Jimmy. Hein. Pour le coup, il faut prendre le temps. Hein. Et c'est exactement la même chose pour Jimmy. C'est-à-dire que contre les Bills, je ne veux pas le voir s'il n'est pas prêt. Je m'en fous de perdre aussi. Voilà. C'est clair. Non, c'est pas bon. Ce match, je pense que voilà, effectivement, ce match contre les Texans, surtout si je dis pas de conneries, il se joue à Houston. Non, à domicile, ouais, C'est à domicile. Aïe. C'est à maison. Moi, je pense que c'est à l'extérieur. Mais bon, c'est un match que entre guillemets, si ça avait été à Houston, c'est vrai que c'est un match qu'on aurait pu entre guillemets sacrifier en disant aux joueurs avant, bon les gars, on fait tout pour le gagner. Enfin. On se met dans l'esprit qu'on va le gagner, mais il n'y a pas le feu. Si on perd ce match, de toute façon, personne ne nous attend. Y aller sans pression. Mais là, le truc, c'est que c'est à domicile et on va y aller avec la pression. C'est sur. Après, moi, je pense que là où ça va se jouer, ça va être... Et on va voir s'il est capable de rééditer un autre match. Et je pense que la O-line va jouer pour une fois. On va jouer avec les qualités de la O-line, c'est-à-dire sur notre jeu de course. Est-ce que Blount... Parce que je pense pas qu'on force énormément sur Brissett, vu le peu de connaissances qu'il a encore du playbook qui est assez compliqué. Je pense qu'on va jouer énormément sur le jeu de course, donc être capable de tenir éloigné l'attaque aussi des Texans face à nos DB. Donc justement, est-ce que notre running game va être suffisant pour tenir et porter ce match? On parle de Blount, que ce soit Foster, que ce soit Wright, qui, même si ce ne sont pas des, entre guillemets, des courants, mais plus des running backs qui s'occupent de la réception, il va falloir que ce soit performant. Et à mon avis, alors après ça n'est que moi et ça se trouve ça ne se fera pas, mais j'activerai bien Sanke de la practice squad aussi pour donner un coup de main à Blount. Pourquoi pas? Je pense que ça va se jouer à ce niveau-là. Je suis d'accord avec toi. Si on veut éloigner Watt et tout, je pense qu'il va falloir jouer énormément sur la course. Comme on l'a fait un peu face aux Dolphins, mais en insistant plus et en donnant des vraies actions de passe à Brissett et en lui faisant confiance. Et après, il faut que la O-line tienne le peu qu'elle a à tenir quand c'est des phases de passe, course, que ça soit sur Bennett ou autre. Non, il va falloir alterner, je suis d'accord avec toi, et il va falloir appuyer sur le jeu de course, mais ils vont nous attendre là. C'est-à-dire qu'ils sont costauds sur ce point-là. Clooney, Wilford, Watt, tu fais difficilement le quoi. Et sans parler de Wilford, qui connaît notre jeu, qui sait comment on joue, comment on ouvre... Je pense qu'ils seront très bien préparés avec le coach et les joueurs qui sont là-bas. Mais pourquoi pas? C'est-à-dire que si Blount il nous fait un match d'exception et qu'il nous plante 230 yards dans le match et qu'il marque 2 TD. Ouais, comme il avait fait contre les Colts en finale de conférence. Voilà, par exemple. Mais c'était les Colts. C'était contre les Colts en finale de conférence, il me semble. Mais c'était les Colts. Là, on est contre l'une des meilleures front seven de la ligue. Bien sûr. Après, la Garrett, c'était un run puissant. C'est vrai que c'est pas un run des grands espaces, ce qui aurait pu nous servir contre un front seven comme ça. Mais pourquoi pas s'ils sont le gros match, qu'ils cassent comme il a l'habitude de faire un ou deux ou voire trois plaquages. Et c'est pour ça avancer. Que. Bon, ça va pas c'est être vrai que je dis que. Qu'il faudrait activer Bishop. C'est possible, ouais. Parce que bon, ça nous ferait une petite soupape bien supplémentaire. Bien sûr. Qu'on aurait peut-être besoin. Ou que White sorte le match des grands jours. Ouais. Après, pour moi, ça peut être un match pour Bennett. Pour moi, après, ça peut être un match pour Bennett. Oui, ça peut être un match pour Bennett. Pour moi, ça peut être un match pour Bennett. Parce que, attention, le tie-end, vu qu'il n'y aura pas Gronk, mis à part si je me trompe, Bennett peut faire quelque chose aussi. Ça ne peut pas tourner que sur trois joueurs à un moment donné. Il va falloir qu'Amendola fasse son match. Il va falloir que Edelman fasse son match. Il va falloir que Hogan fasse son match. Mais ça dépend aussi beaucoup de la O-line si elle tient la poche. C'est ça, c'est exactement ça. Et il va falloir que l'O-line fasse son match. Et c'est pour ça que je parlais de Bennett. Parce que quand un QB il n'a pas de temps, il va chercher proche. Parce que s'il va chercher loin, il va se faire intercepter. Enfin, moi, après, c'est une logique que j'ai. Et c'est pour ça que je pense que Bennett, il peut avoir son. Justement, Bennett d'un côté et Blount ou un autre run de l'autre en soupape d'ailleurs, sur le flat. Je pense que ça peut être... on l'a vu sur une des actions de. Ah oui. De Brissett. Cette action était tout seul. Alors, il était tout seul. Il avait vraiment fait un vraiment un beau snap. Il y a eu tout ce qui allait bien. Et d'un coup, je vois la balle partir vers la gauche et je me dis, mais à qui il passe ? Et là, d'un coup, je vois Bennett tout seul. Et oui. Et c'est sur ce jeu qui fait une play action sur Blount. C'est ça. Et donc, il y a Blount qui part sur la droite et Bennett sur la gauche. Ouais. Exactement. Et cette action, quand je l'ai vue, j'ai dit, elle est vraiment très, très, très bien. Et c'est pour ça que j'ai vu que c'était du Parker. Parce que c'était qu'un truc préparé à l'entraînement. C'est ça, bien sûr. Ça a été préparé. Je pense qu'il va falloir jouer sur des jeux courts. Parce que sur des jeux longs, je ne sais pas si Brissett aura le bras, il l'a, mais aura la lucidité. Pour moi, il aura pression. Ouais, lucidité, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il n'aura pas la lucidité pour. Et même le coaching staff ne lui fera pas faire ça. S'ils lui font faire ça, je vais gueuler. Parce que ça sera une erreur. Ça sera une erreur. Mais non, bien sûr. À chaque passe au-dessus de 20 yards, je vais gueuler. Bon, si elle arrive dans les mains, merci, très bien, parfait. Mais je vais gueuler parce que c'est pas ça le jeu. Du moins, début de match. Après, du moins, début de match. Si on est à 10 points de retard et qu'il faut jouer, ben, il faut jouer, quoi. Si c'est sur une 3e et 15, bon. Par exemple, forcément. Mais par contre, on va lancer peut-être le premier ou le deuxième drive. Si on commence à faire des bombes de 25 yards, de 30 yards pour essayer de gagner vite le match, je pense pas que le jeu soit là, non, c'est clair. Le jeu ne sera pas là. On n'a pas les joueurs pour. Et ça ne sera pas. On a parlé de l'attaque, un mot très rapide aussi de la défense. On a vu Kotzweiler lancer des interceptions. Même si nos DB prennent l'eau face aux receveurs, à eux aussi de faire des interceptions pour maintenir le match à flot. Je pense que ce qu'on a un peu omis de parler tout à l'heure, c'est une contre-performance, mais Devin McCourty n'a pas été génialissime non plus. Et si lui ne se ressaisit pas, ça va être problématique. C'est la première clé du match, c'est le mental. Il va falloir qu'ils se mettent tous dedans à jouer. C'était le mental, ouais. Ouais, ça a été le mental de tout le monde et il a lâché comme tout le monde. C'est ça. Et c'est dommage. Et ça, ça fait peur. Mais, et ça fait peur pour un match comme celui qu'on va avoir là. Parce que là, si tu enchaînes sur une défaite, donc un match quasi défaite avec un comeback assez hallucinant, et que derrière, tu prends l'eau, tu prends le bouillon. Parce que moi, ce qui me fait peur, c'est pas de perdre 2 points, c'est de prendre le bouillon. C'est de ressortir à un match ou à domicile, tu prends 35-7. Ça va être compliqué. Tout patriote ce qu'on est, ça va être compliqué. Justement, on va conclure sur cette preview. Messieurs, votre pronostic pour ce match. Cyril. Alors, ça commence à être une habitude chez moi. L'année dernière, quand on a fait... le podcast, j'avais parié sur une défaite des Patriots. Au final, il y a eu victoire. Mais là, je vais encore une fois parier sur une défaite de nos protégés. Je partirai sur une défaite 24-15. Jean-Jacques, quel est ton prono ? Ouais. Je suis pas très loin. C'est-à-dire que moi aussi, je suis un habitué des défaites. À chaque fois qu'on me demande, je donne une défaite. Je le sens pas ce match là, mais on va voir. Le premier week, ça m'a apporté chance, c'est à dire que voilà. Maintenant, je vais donner la défaite, je donne 17-20. C'est petit, c'est que d'un kick. J'espère qu'on prendra pas une rouste. Voilà. Ah, c'est ça. Tout ce que j'espère. Voilà. Moi, je vois la défaite, mais j'espère pas une rouste. Pas un truc comme tu disais, un 35-7 ou 40-10, tu vois. Voilà, que tu prennes pas le bouillon et que derrière, tu dois te remettre en cause, quoi, complètement. Voilà, ouais, c'est ça. Parce que là, s'il y a ça qui se passe, le pauvre Brissett, tu le détruis, quoi. Tout match qu'il pourra faire, tu le détruis. Le gars, il va se dire, je rentre sur le terrain. On va avoir un truc, c'est-à-dire qu'ils vont marquer leur dernier touchdown et on va avoir le dernier drive. Et je pense qu'on va se foirer sur le dernier drive. Possible. Pas sur un kick, hein, c'est-à-dire qu'on va se faire intercepter ou n'importe quoi. C'est sur le dernier drive que nous, on va se planter. On va avoir le match en main à un moment donné et on va se planter. Mais, messieurs, je ne vous arrête plus. L'émission pourrait continuer 3 heures. Je ne vous arrêterai plus. En tout cas, moi, quant à moi, mon prono, je vais prendre le contre-pied. même si c'est difficilement imaginable. On va dire une victoire des Patriots 21-20. Même si ça va être très compliqué, je pense qu'on a tellement eu une carence mentale. Monsieur optimiste. Non. Eh ben franchement, on a tellement une carence mentale et que je signe de suite. Hein. Si tu me l'assures, je signe de suite. Hein. Bah, si ouais, seulement ouais, je pouvais vous l'assurer, messieurs. Mais on a tellement eu de carence mentale que ça va ruer dans les brancards et on va tous se resserrer, sachant que derrière, on se retrouve avec un jeune QB que sur ce match-là, on peut se transcender. Maintenant, j'espère. Après, on verra bien ce qui se passera jeudi soir. Bah, en tout cas, c'est tout pour cette semaine. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné cette semaine. Avec grand plaisir. Ah ben, bah, c'était un plaisir, même si ça a été très, très difficile. Hein. Ouais. Ouais. Ça n'a pas été le meilleur match à commenter, quoi. Non, c'est sûr. L'année dernière, moi, j'avais eu de la chance. J'étais tombé sur le Patriots Giants, si je ne dis pas de conneries. Ouais. Enfin, New York. La saison est encore longue, messieurs. On n'est qu'au deuxième match. Donc, il n'y a pas encore à déprimer. Nous, quant à nous, vous pouvez retrouver le Fan Club sur le blog du Fan Club. Vous pourrez nous retrouver aussi sur Facebook, sur le Twitter, @FCFNEP. N'hésitez pas à réagir à l'émission dans les commentaires sur Twitter, sur Facebook, sur le forum. Et moi, il vous reste à vous souhaiter une bonne semaine, de bons matchs NFL, un bon match aux Patriots. Et n'oubliez pas, le Fan Club français des New England Patriots, partout, toujours. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.